إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans un autre chapitre, al-bab al-thalith min al-kitab d'Adilat al-Shar'iyya l'kashf al-talbisat al-hizbiyya, et on est donc dans al-bab al-thalith, et c'est en fait une critique d'une conférence qui a été faite par Abdul Majid al-Zindani au Yémen au sujet des élections et de la participation aux élections. La première conférence, elle a comme titre « Addil amana wa la takun sifran », c'est-à-dire « remplis ton al-amana », c'est-à-dire le dépôt qu'on t'a donné comme charge, hein, comme responsabilité, et ne sois pas un zéro. Et ça, cette conférence-là, c'était en 1996, hein, ça fait longtemps, subhanallah. Puis il y a une autre cassette qui a été faite, « Al-intikhabat wa iradatul umma », les élections et la volonté de la umma, en 1996 aussi, subhanallah. Ça c'est à l'époque où j'étais à Médine en fait, la première fois que je suis parti étudier, c'était en 1996. Donc imaginez à l'époque, donc il disait des paroles comme ça. Et lui c'est un des Ikhwani, hein, c'est un des gens qui sont partis du Hizb al-Islah, si je ne me trompe pas, au Yémen, donc c'est un parmi les Ikhwan. Et donc aujourd'hui c'est le cours 27, et on va lire les passages qui sont très intéressants, très importants, au sujet des paroles, des réfutations de la parole de Az-Zindani, puis vous allez en même temps remarquer que les paroles de réfutation de Zindani à ce sujet-là sont de la même, en fait c'est des paroles de Zindani qui sont comparables aux paroles de Qardawi dans ses paroles lorsqu'il parle de la démocratie. Donc en même temps c'est comme si on fait une pierre deux coups, parce que on réfute Zindani puis on réfute Qardawi en même temps, puisque c'est presque les mêmes propos. Puis je vais lire donc à ce sujet là les paroles de Qardawi aussi, pour vous donner l'exemple, ok, pour vous donner l'exemple de la ressemblance qu'il y a entre les deux. Donc commençons par lire les paroles de Zindani, puis on va voir ensuite pour Qardawi qu'est-ce qu'il va dire. Cheikh il dit al-mulahazat ala al-sharif al-awwal addi al-amana wa la taku sifran wa tanhaziru fi arba'in mulahazat. Il y aura quatre points ou quatre remarques à faire au sujet de ce qui a été dit dans cette cassette. المُلاحظة الأولى قال والأمة واجبها أن تقيم ذلك الحاكم أن تقيم ذلك الحاكم وأن تشاوره وأن تعاونه وأن تطيعه وأن تعزله إذا فسد وأفسد طبعاً. وقال ولا يقف الدور عند إقامة الحاكم المسلم بل يستمر الأمر في مشاورته وطلبه للشورى وضمان ذلك يستمر الأمر في مراقبته ومحاسبته ويصل الأمر إلى عزله إذا انحرف أو ظلم. Donc comment on va expliquer les significations de cette parole-là pour voir les contradictions qui sont dans ces paroles avec le manhaj des salaf salih. Donc il dit, Al-Zindani dans cette cassette, il dit la umma, c'est son obligation d'établir le dirigeant, de lui demander de faire la consultation, c'est-à-dire de faire la shura avec lui, de l'aider et de l'obéir et de l'enlever du pouvoir s'il fait du désordre, s'il fait de la corruption, s'il n'est pas bon ou s'il fait de la corruption. Donc ça veut dire qu'il considère qu'il faut le destituer s'il fait du désordre ou de la corruption. Et ils disent aussi, et le rôle de la Oumma, c'est pas juste d'établir le dirigeant musulman, mais le rôle continue également dans le fait qu'ils doivent lui demander, lui donner conseil et lui demander d'établir la Shura. Et ça, c'est garanti. Et la garantie de ça, la garantie que ça va être établi, c'est que on doit le surveiller. On doit toujours être en train de surveiller ce qu'il fait et de toujours être prêt à regarder qu'est-ce qu'il fait puis lui demander des comptes. Et ça peut même aller jusqu'à le destituer lorsqu'il dévie ou lorsqu'il fait de l'injustice. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Je traduis à peu près les paroles qu'il dit. Ces paroles sont dans ce sens. Puis, juste pour comparer avec les paroles de Qardawi à ce sujet-là, pour vous donner une idée comment les deux sont proches dans leur façon d'expliquer. Donc, il dit, Qardawi, dans son texte qu'il a écrit pour défendre la démocratie, il dit « Inna jawhar al-démocratie, ba'idan an al-ta'rifat wal-mustalahat al-akadimiyya, أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم وأن لا يفرض عليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه أو يكون لهم حق وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ وحق عزله إذا انحرف ولا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضونها ولا يرضون عنها، فإذا عرضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل بل التعذيب والتقتيل، وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغا وأساليب عملية مثل الانتخابات والاستفتاء العام وترجيح حكم الأكثرية وتعدد الأحزاب السياسية وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة واستقلال القضاء إلى آخره. Je vais lire même, ça a été traduit dans le site islamophile, un site qui est bien entendu un site de Bid'a. Et dans ce site, il dit, sans s'embarrasser de définitions et de termes académiques, la définition de la démocratie consiste essentiellement à ce que le peuple choisisse celui qui dirige ses affaires sans qu'on lui impose un dirigeant qu'il aborde. Ni un régime qu'il déteste, qu'il ait le droit de demander des comptes aux dirigeants lorsqu'il commet une erreur et le droit de le destituer s'il dévie, que les gens ne soient pas contraints de suivre des directions et d'adopter des méthodes économiques, sociales, culturelles ou politiques qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'agréent pas et dont la critique vaudrait à ceux qui la portent d'être torturés et massacrés. Au fond, c'est ça la démocratie. Vous voyez, donc ça c'est dans les mêmes sens que les paroles de Zindani, parce qu'il dit qu'au fond, on a le droit de le destituer, le dirigeant, lorsqu'il fait une erreur ou lorsqu'il dévie. Puis, il y a un autre passage qui est aussi significatif par rapport à ces paroles-là, c'est lorsqu'il, justement, mentionne la question de destituer les dirigeants aussi. Et ça, je vais vous le lire également. Comme ça, vous allez, vous allez comprendre à quel point il exagère dans cette question-là aussi, Qardaoui. Ok. Donc, il dit, Qardaoui, dans son texte, lorsqu'il parle de la démocratie, il y a un passage où il dit والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلا للحكم ويجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور ورفض المعصية وخصوصا إذا وصلت إلى كفر دواح وفيه من الله برهان. Donc c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit que le musulman qui appelle à la démocratie, il appelle uniquement à la démocratie parce qu'il la considère une forme de gouvernement qui représente ou qui incorpore les principes de l'islam, les principes politiques de l'islam dans la façon de choisir le dirigeant et d'établir ou de confirmer la shura ou la nasiha, ou d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de résister contre l'injustice et de rejeter le péché, et en particulier lorsqu'il trouve un kufr bawah, un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Donc c'est, je vais vous lire la traduction qui a été faite au sujet de ce passage. Il dit le musulman qui fait la promotion de la démocratie, il voit une forme de gouvernement. Là je l'ai traduit en français, mais je lis la traduction de Islamophile pour voir que vous voyez que même eux, ils l'ont traduit de la même façon. Ou bien ils répètent la même chose dans leur traduction à eux aussi. Le musulman qui fait la promotion de la démocratie y voit une forme de gouvernement permettant de concrétiser les politiques de l'islam relatifs au choix du dirigeant, à la concertation et au conseil, à l'injonction du bien et à la réprobation du mal, à la résistance à l'injustice et au refus des transgressions, notamment lorsque cela atteint le niveau de mécréance manifeste, al-kufr al-bawah, sur des sujets tranchés par des preuves divines. Donc là, c'est comme s'il est en train de dire en fait que sur des questions comme par exemple de péché, des questions de transgression, il dit comme c'est à ce niveau-là. C'est des sujets dans lesquels on applique les principes, par exemple de faire, comme ils disent, destituer le dirigeant, et en particulier lorsqu'il y a un kufr bawah. Alors que lorsqu'on retourne au hadith, les seules situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, vous pouvez les combattre, c'est uniquement lorsqu'il y a un kufr manifeste au bawah. Un coffre évident au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah. En d'autres cas, ça a été clairement interdit dans les hadiths. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Inna barakallahu fiik. Sinon, dans les autres hadiths, vous allez voir que ça a été clairement interdit de faire une chose pareille. Ça, c'est un point. Donc ça y est, avec les paroles de Qardaoui, je pense que c'est suffisant comme exemple pour vous faire voir les ressemblances qu'il y a entre les paroles de Qardaoui et les paroles de Az-Zintani. Donc là, on va aller maintenant à la réponse au sujet des paroles de Zintani et Qardaoui ensemble, parce que les deux sont très proches. Et plus ça. Préparez-vous pour écrire, parce qu'il y a des points importants sur la question de politique islamique ici, qui ont rapport avec le manhaj. Le cheikh dit قلت لي مع كلامك هذا ثلاث وقفات Il dit, j'ai trois points sur lesquels je vais parler par rapport à cette parole-là. الوقفة الأولى قولك الأمة واجبها ما تقصد بقولك الأمة والأمة أتقصد جميع الشعب باختلاف أفكارهم ومشاربهم واتجاهاتهم أم تقصد أهل الحل والعقد المتمثل عندك بمجلس النواب الذي هو نتيجة وخلاصة أفكار الشعب وعلى كلا القولين فالمؤدى واحد وهو المخالفة الشرعية في كيفية انعقاد الإمامة. الشيخ dit, le premier point que je vais parler, c'est la question où tu, le point où tu as dit l'obligation de la umma. Qu'est-ce que tu veux dire par la umma ici? Est-ce que tu parles du peuple en entier, peu importe leurs idées et wa alaykoum salam wa rahmatullah, peu importe leurs idées et leurs tendances, ou bien est-ce que tu parles en particulier des gens qui font partie de Ahlul-Hil wal-Aqd, c'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir de donner leur, ou bien disons qui peuvent donner leurs opinions et leurs décisions aux dirigeants, leur donner des conseils, et que tu considères être pour toi, qui sont pour toi ceux que vous appelez les députés, hein, et qui sont le résultat de la pensée du peuple. Il dit, peu importe que ce soit dans les deux, dans quel cas que tu veux dire, que ce soit que tu penses que c'est le peuple, hein, tout le peuple en entier, ou bien ceux qui représentent le peuple comme les députés, eh ben, si tu résumes tout ça, les deux arrivent à une seule et même conclusion ou un seul résultat, c'est-à-dire la contradiction de la charia dans la manière de faire en sorte que on décide qui va être un imam et qui va être, disons, assermenté comme étant imam ou dirigeant dans un système ou dans un pays musulman. Assis-toi avec les autres. Ah, ok, d'accord. Donc, le cheikh il dit, وقال سعيد عبد العظيم انعقاد الإمامة يتم بأحد الأمور الآتية. Le fait d'assermenter un imam dans l'islam et de lui donner la bay'a, c'est de trois, c'est une des cinq façons qu'on va mentionner dans les exemples suivantes. C'est mentionné donc dans le livre de, comment il s'appelle, Saïd Abdul Azim, qui son livre s'appelle, oui, Saïd Abdul Azim, son livre c'est Al-Démocratie fil Mizan. Je voulais vous donner le titre exact. Bon. Donc il dit, on a cinq manières dans l'islam pour qu'un dirigeant soit assermenté ou bien choisi comme étant l'imam. Le premier c'est ma law nassa an-nabi. ما لو نص النبي صلى الله عليه وسلم على فلانا على أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد بذلك تنعقد به بذلك. Donc si il y a un texte du prophète صلى الله عليه وسلم, une parole du prophète صلى الله عليه وسلم clair qui dit qu'un individu en particulier doit être l'imam, alors dans ce cas-là c'est lui à qui on doit donner l'imam, c'est lui qu'on doit désigner comme étant le dirigeant, parce qu'il y a une preuve dans son texte. Deuxièmement, ittifaq ahl al-hil wal-aqd ala bay'atihi. Le fait que tous les gens de ahl al-hil wal-aqd soient d'accord pour que ce soit lui le dirigeant et qu'il lui donne la bay'a. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est lui qui va être le dirigeant dans un cas pareil. Qultu wa huna waqfa la budda minha. حتى نتعرف على أوصاف أهل الحل والعقد. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب يعتبر في أهل الحل والعقد أو يعتبر في أهل الاختيار ثلاثة: العدالة، ثانيا العلم المتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة يهديكم الله ويصلح بالكم. العلم المتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، وثالثا أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو الأصلح للإمامة. Donc, il dit, on va s'arrêter ici juste pour voir la question des caractéristiques qui doivent se retrouver en les gens qui vont composer ce qu'on appelle Ahlul Hilli wal Aqd. Ok, les gens qui nous et qui dénouent, les gens qui prennent des décisions importantes dans la société, et ceux-là on les appelle Ahlul Hilli wal Aqd. Donc le Cheikh Suleyman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, lui il dit que pour les gens qui font partie de ceux qui choisissent le dirigeant, ils doivent avoir trois caractéristiques importantes. La première caractéristique, c'est Al-Adala, c'est-à-dire qu'ils doivent être des gens honnêtes ou des gens fiables, des gens qui ont l'honnêteté. Et quand on parle d'honnêteté ou de fiabilité, c'est-à-dire pas seulement selon les critères établis par la société, mais les critères de Adala tels que c'est connu par les savants dans les livres de fiqh par rapport à la fiabilité selon l'islam, selon les règles de l'islam, par rapport au fait que quelqu'un est une personne qui pratique l'islam et qui s'écarte des péchés et qui fait ce qui est obligatoire et ainsi de suite. Comme par exemple le témoignage, il doit y avoir aussi ces caractéristiques-là. La deuxième caractéristique, c'est la connaissance par laquelle la personne est capable de connaître qui mérite d'être le dirigeant. Et donc, c'est-à-dire elle doit connaître les critères et les caractéristiques qui font qu'une personne mérite d'être le dirigeant. S'il n'a pas ces connaissances-là, il ne peut pas faire partie de Ahlul Hilli wal Aqd à ce sujet par rapport au choix du dirigeant. Puis, troisièmement, un yakoun min ahl al-ra'i wa al-tadbir. C'est-à-dire il faut qu'il fasse partie des gens qui ont une opinion qui est connue et qui est droite, qui est intelligente, et aussi qui fait partie des gens qui ont l'habitude de s'occuper d'organiser ou de mettre les choses en ordre ou d'arranger les choses. Et donc ces deux choses-là vont faire en sorte qu'ils vont être capables de choisir la personne qui va être le dirigeant et qui va être le plus apte à être un bon dirigeant. Et ça c'est mentionné dans Tawdih an Tawhid al-Khalaq par l'imam Suleyman Ibn Abdullah Ibn Muhammad. Donc c'est le petit-fils de Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ok. Ensuite, le Cheikh il continue en mentionnant les paroles de l'imam al-Shawkani. Il dit, قال الشوكاني عند قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم أولي الأمر منهم هم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم وهم الولاة عليهم. Donc Al-Shawkani il parle du verset 83 dans Sourate An-Nisa, lorsqu'il leur vient une information ou une chose qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, il la diffuse. An-Nisa 83. Mais si au lieu de la diffuser, il l'avait ramenée aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ulil amr minhum, ok, le Cheikh l'imam al-Shawkani il dit ici dans son tafsir à ce sujet-là, ulil amr minhum, ce sont les gens de science et qui ont une intelligence qui est tranchante et qui est claire, qui penche vers la position correcte. Et c'est ceux vers qui les gens retournent dans leurs questions, dans leurs problèmes, dans leurs affaires, et ce sont eux en réalité qui ont le commandement sur les gens, parce qu'ils sont reconnus pour leur droiture et leur qualité en tant que dirigeants, hein, et les gens les respectent. Ensuite le Cheikh dit « قلت فأهل الحل والعقد هم أولو الأمر من العلماء والأمراء والسؤال الذي يوجه إلى دعاة الانتخابات هل مجلس النواب الذي هو نتيجة وخلاصة الشعب بعجره وبجره تتوفر فيه هذه الشروط المتقدمة في أهل الحل والعقد. Donc le cheikh il dit, je dis, est-ce que les gens, donc il dit ici, on voit qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, les gens de Ahl al-Hil wa al-Aqd, ce sont les dirigeants, ou bien les ulama, hein, ceux qui ont le commandement. Donc, maintenant la question que je vous pose, est-ce que les gens qui appellent, la question qu'on pose à ceux qui invitent ou qui appellent à la démocratie, est-ce que les gens qui font partie des députés, qui est soi-disant le résultat ou le résumé de l'opinion du peuple, est-ce que ces conditions-là sont présentes chez eux, les conditions qu'on a mentionnées au sujet de Ahl al-Hil wa al-Aqd, est-ce que ces députés-là ont les caractéristiques nécessaires pour faire partie de Ahl al-Hil wa al-Aqd? Troisième façon, comment on peut décider de qui va être le dirigeant, أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله okay. كما وقع من أبي بكر. C'est-à-dire que le dirigeant qui était là en premier, il donne la place à celui qui doit le succéder pendant sa vie. C'est-à-dire il lui dit, c'est toi qui vas me succéder après ma mort. Hein, comme c'est arrivé à Abu Bakr, lorsqu'il est mort, avant de mourir, il a dit à Omar, ou bien il a dit que c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui allait prendre sa succession, qui allait être à sa place. Après, il cite une parole de Siddiq Hassan Khan. Le Cheikh Siddiq Hassan Khan, il dit, « اعلم أن حقيقة الإمامة الشرعية النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم. فهو وليهم والأمين عليهم ينظر لهم في ذلك في حياته وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذا وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وأجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر. Donc il dit ici que sache que la réalité de l'imam al-shar'iyya, l'imam al-shar'iyya, c'est-à-dire le fait que quelqu'un va être le dirigeant légal, c'est celui qui regarde les intérêts de la Ummah et qui regarde les bienfaits ou le bien pour la Ummah, pour qu'est-ce qui a rapport avec leur religion et qu'est-ce qui a rapport avec leur dunya. Donc c'est lui. Leur responsable et leur dirigeant, et il est amine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fiable, qui est honnête et qui regarde qu'est-ce qui est le meilleur pour eux dans leur vie, et c'est pas uniquement dans leur vie, parce que durant sa vie à lui, mais aussi même après sa mort, il pense à qui va les succéder, à qui va le succéder et qui va continuer à agir de cette manière-là envers eux, envers les gens qu'il gouverne. Donc, il pense à leur bien durant sa vie, puis il se dit également que après ma mort, je dois penser à qui va prendre la relève et va continuer à s'occuper de mon peuple de la même façon pour penser au bien de leur religion, au bien de leur dunya, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. D'accord? Donc, le cheikh, il dit qu'il peut donc, lorsqu'il a trouvé quelqu'un à qui il fait confiance, donc il peut donner le pouvoir à quelqu'un à qui il fait confiance, et il lui dit que, bon, après ma mort, ça va être lui qui va prendre le pouvoir. Comme c'est arrivé à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il a dit, devant la présence de certains des Sahaba, il a dit que ça allait être Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr a dit, c'est Omar ibn al-Khattab qui va prendre ma succession après moi. Et les Sahaba ont accepté ça, ils ont permis ça, ils ont dit oui, c'est permis. Et ils ont considéré comme étant obligatoire pour eux-mêmes d'obéir Omar à partir de ce moment-là. Ça c'est mentionné dans Iqlil al-Karama fi Tibyan al-Imama de l'imam Siddiq Hassan Khan. Ensuite, le Cheikh il mentionne le quatrième exemple. « An yataghallab ala al-nas bi sayfihi wa yanzi'u al-khilafa bil-quwa hatta yastatib lahu al-amr wa tazin lahu al-nas lima fi al-khuruj alayhi حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف واستتب الأمر له لشيخ الذكر une autre possibilité comment quelqu'un peut être le dirigeant, c'est lorsqu'il prend le pouvoir sur les autres et il prend le dessus sur les gens avec son épée. Hein? Soit parce qu'il n'y a pas de dirigeant, après la mort d'un dirigeant, supposons qu'il n'y avait pas eu de dirigeant qui avait été désigné, et donc dans ce cas-là, il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres et puis il va devenir celui qui va être au-dessus, donc à ce moment-là, c'est obligatoire de l'obéir et de lui donner l'allégeance. Sinon, aussi, ça se peut même que quelqu'un parmi les musulmans fasse, disons, prenne le dessus sur un dirigeant, puis il l'enlève du pouvoir, puis il prend sa place. C'est comme, par exemple, c'est arrivé parfois, un des proches d'un roi ou de sa famille, il a tué celui qui était au pouvoir, puis il a pris le pouvoir à sa place. Il a fait un coup d'État. Donc, dans un cas pareil, le cheikh il dit que dans un coup pareil, si tu essaies de l'enlever du pouvoir, ça va faire plus de problèmes et ça va faire couler le sang des musulmans. Alors dans ce cas-là, tu le laisses au pouvoir, puis on considère que c'est lui maintenant qui va être le dirigeant. Même si ce qu'il a fait lui pour prendre le pouvoir, c'est pas correct, c'est interdit dans l'islam, mais pour éviter de faire plus de problèmes encore, plus de mal, on le laisse au pouvoir, puis on accepte son autorité, puis on l'obéit dans le bien. D'accord? Parce que si on sort contre lui ou on se rebelle contre lui, à ce moment-là, ça va briser l'unité des musulmans, puis ça va faire couler le sang des gens innocents, donc ça, c'est pas permis. Et ça, c'est arrivé, il dit, à l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan, hein, quand il a combattu Abdullah ibn Zubayr, et il l'a tué. À la Mecque, hein, par la main de Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et après, c'est lui qui est devenu le khalifa. C'est lui qui est devenu le dirigeant. Donc ça, il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Et le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Malik à ce sujet-là. Ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan. Le fils de Marwan. Marwan, c'est le fils de Yazid, si je ne me trompe pas. Et Yazid, c'est le fils de Muawiyah, radiyallahu anhu. Donc, c'est Abdul Malik ibn Marwan, ibn Yazid, ibn Muawiyah, ibn Abi Sufyan. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc, ça c'est un exemple. Il mentionne les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal ici, qui explique ce principe-là dans son livre As-Sunnah, oui. Non. Abdul Malik ibn Marwan, d'après ce que je vois, qu'est-ce qui est écrit ici, c'est arrivé, il a envoyé Al-Hajjaj ibn Yusuf à la Mecque et il a tué Abdullah ibn Zubayr. Al-Hajjaj ibn Yusuf a tué Abdullah ibn Zubayr et c'est lui qui est devenu le khalifa. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la même fitna, hein, mais ça se pourrait que ce soit une autre. Mais bon, il y en a eu beaucoup des situations pareilles dans l'histoire. Mais ça, c'est bon, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit. Et c'est pour ça que les imams de l'islam, ils ont dit, si des choses comme ça se produisent, alors il ne faut pas se rebeller contre celui qui a pris le pouvoir. Sinon, ça ne finit plus. Il y en a un qui prend le pouvoir et fait un coup d'État. Alors il y a un autre qui vient pour le dire, ah non, c'est pas correct. Alors l'autre il vient, ça finit plus. Par la suite, ça finit plus. Donc pour arrêter ça, ils ont dit, bon, s'il y en a un qui le prend, il devient dirigeant, il prend le dessus sur les autres, alors on le laisse au pouvoir, puis c'est lui le dirigeant maintenant. Il n'a plus le droit de sortir contre lui ou de prendre les armes contre lui. Oui, il y a un hadith comme ça qui dit, s'il y a des fitnas, barrez vos portes dans vos maisons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit même de combattre durant la période de fitna. Et beaucoup d'athar là-dessus, à ce sujet-là. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, dans l'aqidat qu'il a écrit dans le sunna, sur le sunna, il dit, ça c'est dans la il dit, قال l'imam Ahmed, rahimahullah, في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار, il dit, من غلب عليهم, يعني الولاة بالسيف, حتى صار خليفة, سمي أمير المؤمنين. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. قلت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله dans sa عقيدة كذا dans أصول السنة rapporté par عبدوس ابن مالك العطار. قلت celui qui a pris le dessus, celui qui a pris le dessus sur eux, c'est-à-dire sur les dirigeants, avec l'épée, et qu'il est devenu khalifa, on l'appelle Amir al-Mu'minin. Et il n'est pas permis à quiconque qui croit en Allah et au jour dernier de passer une nuit sans le considérer comme étant l'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Ça, c'est les paroles de l'imam Ahmad à ce sujet-là dans Usul Sunnah. Ensuite, le cheikh il dit, وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية متفق عليه واللفظ لمسلم. لشيخ الجسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان مساجد الله صلى الله عليه وسلم أزيدا الحديث rapporté par مسلم البخاري mais celui-là il est c'est la narration de مسلم. Il dit, quiconque voit de son amir quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il soit patient. Parce que celui qui sort contre la jama'a, ou qui se sépare de la jama'a, qui se sépare du corps des musulmans, d'une chibre, c'est-à-dire de la longueur d'une main, eh bien, s'il meurt dans cet état-là, sa mort sera comparable à la mort de la période pré-islamique. Donc, ça veut dire qu'il meurt dans une période, comme dans une mort comparable à la mort à l'époque de la Jahiliya, quand les gens vivaient dans la désunion et dans les conflits tribaux et tout ça. Donc ça c'est quelque chose de mauvais, puisque la Jahiliya c'est quelque chose de mauvais. Ensuite le Cheikh dit, وقال ابن بطال في الحديث حجة. Non. Ouais. Non, celui qui voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il soit patient. Parce que s'il se sépare de la jama'a d'une petite distance, d'une chèvre, d'une main, c'est-à-dire s'oppose à la jama'a et qu'il meurt dans cet état-là, sa mort sera comme une mort de la période de la jahiliya. C'est comme s'il mourait à une période, sa mort elle sera comparable à la mort, comment les gens vivaient, ils mouraient à l'époque de la jahiliya, quand il y avait les conflits des tribus et la division entre les gens. Il est là. Donc il dit, قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا وحجتهم هذا الخبر وغيره وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه عليها. Regardez les paroles de l'imam Ibn Battal. Masha'Allah, c'est un des grands imams de l'islam. Ibn Battal, rahimahullah, il dit dans ce hadith, il y a la preuve que Ibn Battal, il dit que dans ce hadith, il y a la preuve qu'on doit abandonner toute idée de sorcier contre le dirigeant. On doit abandonner toute rébellion ou révolte contre le dirigeant, même s'il est injuste. Même si c'est un homme qui fait al-jawr, qui fait l'injustice, voilà ou jara. Et les savants, les fuqaha, ont tous été d'accord. Il y a un consensus sur le fait qu'il est obligatoire d'obéir au dirigeant qui a pris le dessus. Hein? Celui qui a pris le dessus sous les autres, qui a pris le pouvoir. L'imam ibn Battal. De cesser de faire des rébellions contre les dirigeants, même s'ils sont injustes. Et les ulama, les fuqaha, sont tous d'accord sur le fait que c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants qui a pris le dessus sur les autres et de faire le jihad avec lui. Et que son obéissance est meilleure que de se révolter contre lui. C'est mieux de l'obéir que de se rebeller contre lui parce que quand tu l'obéis, eh ben, tu protèges ton sang et le sang des musulmans. Et tu calmes les gens qui pourraient avoir l'idée de vouloir se rebeller ou se révolter. Et la preuve des savants, lorsqu'ils ont dit ça, dans cet ijma, dans ce consensus qu'ils ont pris, c'est ce hadith qu'on vient de mentionner. Et d'autres hadiths également qui supportent la même signification que ce hadith-là. Et ils n'ont pas fait d'exception à ce verset, excepté pour lorsqu'il y a un kouf clair qui se produit de la part du dirigeant. Ok? Et il dit, donc dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'obéir dans sa mécréance. Il dit, il n'est pas permis de l'obéir dans sa mécréance. Mais c'est obligatoire de le combattre et de lutter contre lui si on est capable de le faire. Et ça, c'est important de mentionner si on est capable de le faire, parce que si les gens ne sont pas capables de le combattre et qu'ils croient qu'en l'enlevant ce dirigeant qui est devenu mécréant ou qui a fait une forme de mécréance claire, et ils vont faire couler le sang des musulmans et ils vont faire plus de fitna, dans ce cas-là, ils ne doivent pas le faire. Et justement, Cheikh Mukbil, à ce point-là, il a mentionné un point, oui. Wa alaykoum salam muslim. Alhamdulillah. Naam. Donc, le Cheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, à ce point-là, il met un commentaire. Il dit, « Chartul qudra ala al-jihad, awwalan, kama zakar, wa aydan chartun an yadhunna dhannan ghaliban, anna al-aqibata lil-muslimin, wa anna al-da'ira, على المشركين لا يكون الحرب بين المسلمين والمسلمين لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. Okay. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mukbil ici? Il dit qu'il y a la condition pour pouvoir sortir contre eux, ou bien pour pouvoir faire le djihad contre le dirigeant qui a fait un coup clair, il faut avoir la capacité, comme on l'a expliqué. Et non seulement ça, il y a aussi une autre condition, le cheikh dit, c'est qu'il faut que les musulmans aient l'idée, c'est-à-dire, il faut qu'il ait la pensée, il faut qu'il soit, comment je pourrais dire, vannan ghaliban. C'est-à-dire, il faut que tu aies, il faut que tu sois comme, il faut que tu aies ظن الغالب, ça veut dire il faut que tu aies l'impression ou que tu saches que, comment je pourrais dire, quand tu as un ظن, c'est quand ça, quelque chose peut être vrai ou quelque chose peut arriver ou pas arriver. Mais il faut que tu aies plus, que tu penses que ça va être plus penché vers le succès que la défaite. Oui, si tu as le... Ouais, il y a la capacité, comme on a mentionné. Puis deuxièmement, il faut que tu penses que lorsque tu vas faire le jihad contre lui, que tu saches que les chances de succès soient plus grandes que les chances de défaite, ou les possibilités de succès de ce jihad ont plus de possibilités de réussir que de ne pas réussir. Vous comprenez? Oui, parce que... Et il dit également, et que ça ne va pas retourner, que les mouchriquins, hein, que les mouchriquins, c'est eux à la fin qui vont avoir le dessus. Parce que c'est ça ce qui arrive des fois dans certains pays, où des gens essaient de faire des rébellions ou des révoltes contre le dirigeant, et le coup d'État, ou pas le coup d'État, mais je veux dire, ils essaient de, bon, supposons qu'un dirigeant a fait un acte de kufr clair, et que les musulmans ont essayé de l'enlever du pouvoir, hein, et que ça a pas fonctionné. Après, ce dirigeant-là, il a réussi à reprendre le contrôle, et il attrape ces musulmans-là qui a fait ça. Là, ça va être pire encore par la suite pour ces musulmans-là, parce qu'ils vont se faire vraiment maltraiter par la suite. Ils vont tous être exterminés. Donc, il dit, donc il faut pas qu'il faut qu'il y ait la certitude que tu vas réussir ton affaire, ton jihad que tu vas faire. Et il dit, il faut pas qu'il y ait non plus des guerres entre les musulmans eux-mêmes. Tu comprends? Il faut pas qu'il y ait des guerres entre les musulmans eux-mêmes. Il faut pas que des musulmans soient tués et commencent à faire couler le sang des innocents et des musulmans. Et il mentionne le verset 25 ici à ce sujet-là en sourate Al-Fath. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une infraction répréhensible. Donc ça veut dire que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'y avait pas eu parmi les gens de la Mecque, si tu allais les attaquer, s'il y allait avoir parmi les hommes et les femmes là-bas des croyants parmi eux, et que sans que vous les connaissiez, vous auriez pu les tuer, hein, et donc vous auriez fait une action répréhensible. D'accord? Donc ça c'est un blâme que Allah subhanahu wa ta'ala fait à ce sujet-là dans le Coran, et donc c'est pour dire que les musulmans entre eux ne doivent pas se combattre pour arriver à ce que des croyants commencent à se tuer les uns les autres. Et une autre condition, le cheikh dit wa aidan yashtaritu lil khuruj an la yakuna 'alatan 'ala al kuffar li qawlihi ta'ala wa a'iddu lahum ma istata'tum min quwwa wa min ribat al khayl. Donc ça veut dire que pour faire le khuruj avec contre un dirigeant qui a fait le kuffr clair, il y a beaucoup de conditions. C'est pas comme certains takfiris ou jihadis qui pensent qu'ils vont pouvoir s'organiser en petits groupes, puis acheter des armes et essayer de dire bon, on va renverser le gouvernement, puis après ça, ils pensent qu'ils vont établir la charia comme ça s'est passé dans plein de pays, et puis après ils se font massacrer, et puis après c'est, ils deviennent encore plus extrémistes par la suite. Donc tout ça c'est contraire au manhaj des salafs, comme les ulama l'ont expliqué. الشيخ الزي وقال الشاطبي أما إذا عقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلأ الزمان من قرشي مجتهد ومجتمع جميع الشروط وجب الاستمرار وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية جمع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في الخلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. Donc ça c'est une citation de l'imam al-Shatibi. Il mentionne des questions par rapport au fait que c'est comme s'il disait par exemple, bon, pour vous résumer qu'est-ce qu'il dit, on dit qu'il y a un imam qui a toutes les conditions pour être un khalifa. Il est Qurashi, ok, puis il a atteint le degré d'ijtihad, il a beaucoup de science en islam, il a beaucoup de toutes les qualités nécessaires. Puis mais lui il n'est pas au pouvoir. Puis il y a un autre dirigeant qui est au pouvoir en ce moment, mais lui il n'est pas Qurashi et il n'a pas toutes les qualités que l'autre a. Donc il disait que on peut, si le fait d'enlever le premier puis de le remplacer par celui qui est pas au pouvoir va faire des problèmes entre les musulmans, il faut laisser l'autre qui est au pouvoir, même s'il n'est pas Qurashi, même s'il n'a pas toutes les qualités nécessaires. C'est ça ce que ça dit en général, en gros. D'accord? Sans rentrer dans tous les détails de ce qu'il a mentionné. Puis, Cheikh Mourbil, en bas de page, il dit que le fait qu'un imam soit pas un grand savant, c'est pas une condition. C'est-à-dire, c'est pas une condition qu'un imam soit que le dirigeant soit un grand savant, qu'il ait la capacité de faire l'ijtihad. C'est pas une condition pour qu'il soit le dirigeant ou pour qu'il mérite d'être le khalifa, wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit, comme cinquième façon par laquelle quelqu'un peut devenir le dirigeant, il dit قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ويثبت نصب الإمام باجتهاد كفعل عمر وجعله الأمر شورى بين ستة من الصحابة. Donc il a dit aussi que comme cinquième façon comment quelqu'un peut devenir un dirigeant, c'est par l'ijtihad. Comme Omar ibn Khattab l'a fait lorsqu'il est mort ou avant de mourir, il a dit choisissez entre six personnes. Il a donné six noms. Il a dit choisissez en un d'entre ces six personnes, c'est lui qui va être votre dirigeant. Et il a nommé six. Et c'est parmi six, parmi les plus grands, parmi les Sahaba. Il a dit choisissez un d'entre eux. Et donc ça c'est une autre méthode qui a rapport avec l'ijtihad. Oui, c'est tout parmi les gens, parmi les Mubashirin Abil Jannah, parmi les gens que le prophète Sansem avait dit qu'ils vont être dans le paradis. Donc, c'était des grands parmi les Sahaba. Donc, le chef c'est du Qultu. Oui. You are smart, man. Masha'Allah. Exact. En arabe, il y a des patterns. Des patterns de mots. Des formes. Comment on forme des mots. Et chaque mot arabe, si tu le mets dans une forme en particulier, ça veut dire un sens, ce sens-là. Chaque fois que tu vas mettre n'importe quel verbe, tu vas mettre dans cette forme-là, il va vouloir dire celui qui fait l'action, par exemple. Comme là, tu as dit. Moufa'il. Oui, c'est ça. Mais dans d'autres formes, ça va être par exemple fa'il, c'est celui qui fait l'action aussi, fa'il. Mais comme tu dis, par exemple, musafir ou mu'allim, ça c'est d'autres formes qui ont aussi cette signification-là, comme fa'il. Ok? Bon, on fait kabarak. Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça c'est expliqué en détail dans les livres qu'on appelle les livres de Sarf. Ça s'appelle, cette science, c'est As-Sarf. Ça s'appelle As-Sarf. Ok, avec Sad. Sarf. On t'apprend dans les livres de Sarf toutes les différentes formes et les différents patterns des verbes et des mots en arabe. Non, non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose d'équivalent en arabe parce que l'arabe, elle est formée d'une façon différente. Bon. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit, قُلْتُ يَأْفَيَا عَبْدُ الْمَجِيدِ الزِّنْدَانِ أَلِهِ أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ فَإِنْ قُلْتَ قَوْلِي يُوَافِقُ الْقَوْلَ الثَّانِي أَقُولُ لَكَ هَذَا خِلَافُ الْوَاقِعِ ذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّةَ الشَّعْبُ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَخْتَارَ مَجْلِسًا تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ المتقدمة الذي بدوره يختار الحاكم فبطل قولك فبطل قولك وإن قلت القول الخامس فقد تقدم الضحد ذلك في الشبهة الثالثة أضف إلى ذلك من أوجب على الأمة الذي أوجبته عليها أهو النظام الإسلامي أم النظام الديمقراطي فإن قلت بالأول فقولك باطل بما تقدم وإن قلت بالثاني فلا عبرة به لأنه نظام طاغوتي كافر والله أعلم. الشيخ الزي الشيخ الزي donc oh toi Abdul Majid al-Sindani, il s'adresse à lui. Ouais, c'est Abdul Majid al-Sindani au Yémen, c'est lui qui a fait les vidéos là des miracles du Coran, des miracles de la science dans le Coran soi-disant. Il a amené soi-disant des scientifiques occidentaux pour leur faire montrer soi-disant qu'il y avait des vérités scientifiques dans le Coran. Puis il a écrit un livre là-dessus. C'est comme ça qu'il est devenu populaire. Ok. Puis après ça, là il est rentré dans les élections puis un truc comme ça. Mais à la base c'est un pharmacien de formation. Ok. C'est ça que Cheikh Mokbel a dit. Cheikh Mokbel, il dit dans une cassette, il dit, Abdul Majid al-Zindani, saïdoli. Hein? C'est un pharmacien, c'est pas un savant de l'islam. Bon. Non. Bon, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le Cheikh, il dit, oh toi, Abdul Majid al-Zindani. Voici les paroles des savants de l'islam au sujet de comment quelqu'un est choisi pour être un dirigeant. À qui on donne la bay'a. Dans quelle de ces paroles-là, toi, tu te tiens? Dans quelle de ces cinq méthodes-là qu'on a mentionnées, tu te tiens, toi? Si tu dis que ça rentre dans la deuxième exemple, c'est-à-dire l'exemple que les musulmans, les gens de Ahlul Hil wal-Aqd vont se mettre d'accord pour choisir quelqu'un, si tu dis que toi, ça rentre dans, la démocratie rentre dans ce deuxième exemple-là, alors il dit que ça c'est contraire à la réalité, puisque le peuple que tu désignes comme étant le peuple, c'est impossible qu'on retrouve en eux tous, les caractéristiques et les conditions nécessaires pour qu'ils rentrent dans ce qu'on désigne comme étant Ahlul Hil wal Aqd, dont on a mentionné les conditions tout à l'heure, et qui peuvent choisir le dirigeant. Et donc, ta parole est bâtée, c'est-à-dire ta parole, ce que tu dis là, c'est faux à ce sujet-là. Et si tu dis que ça rentre dans la cinquième exemple, c'est-à-dire comme Omar, c'est ce qu'il a fait en choisissant six personnes, puis en disant « choisis une de ces six-là », il dit ça, on l'a réfuté déjà dans la shubha, dans la réfutation à la shubha numéro 3 dans les méfaits, dans les réfutations qu'on a fait précédemment au sujet des choubouhat de la démocratie. Rajoute à ça également que la question suivante, yarhamukallah, qui a ordonné à la Umma ce que tu leur as ordonné toi? Lorsque tu dis que c'est obligatoire pour la Umma de participer aux élections, hein, et de choisir le dirigeant, et de rentrer dans la Shura, et de l'aider, et de l'enlever lorsqu'il n'est pas bon. Qui lui a ordonné ça? Parce qu'il a utilisé ce terme. Il a dit que c'est une obligation pour la Umma. Donc, qui a rendu ça obligatoire pour la Ummah? Est-ce que c'est le système islamique ou le système démocratique? Il dit, si tu dis que c'est le premier, que c'est le système islamique, alors qu'est-ce que tu dis? C'est faux, parce qu'on a prouvé qu'est-ce que tu dis, c'est pas vrai. Et deuxième, si tu dis que c'est le système démocratique qui l'a rendu obligatoire pour eux, alors dans ce cas-là, on ne doit même pas le prendre en considération, puisque c'est un système qui est basé sur le kufr, et qui est tarouti, c'est-à-dire qui est basé sur le tarout. Et donc, on ne peut pas le prendre en considération. Le deuxième point sur lequel on veut s'arrêter dans cette citation-là, c'est lorsqu'il dit « Al-waqfat al-thaniya qawluka inna al-umma min wajibiha an tushawirahu wa an tatlubahu lishura. Aqulu inna al-kalam ala al-shura wa annaha la tulzim al-imam al-akhz biha falahu an yunafiz ma yarahu salihan bidun istisharatin wa alaykum salam wa rahmatullah bidun istisharati ahadin qad taqaddam. وقد أذهب شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله في تقرير ذلك في رسالة له سماها حقيقة الشورى في الإسلام فلتراجع. أضف إلى ذلك أن الإمام هو الذي يختار من يشاوره من يشاوره وليس ذلك راجع إلى الشعب. قال الشوكاني وعليه الإمام أن ينتقد من العلماء المبرزين المجتهدين المحققين من يشاوره في الأمور ويجريها على ما ورد به الشرع ويجعل الخصومات إلى أهل هذه الطبقة فما حكموا به كان عليه إنفاذه وما أمروه به فعله. الشيخ الزيسي comme deuxième exemple, que Al-Sindani il dit la Umma c'est obligatoire pour eux de le consulter et de lui demander d'établir la Shura, la consultation. Il répond en disant que on a déjà parlé de la Shura, hein, et on a expliqué que la Shura, l'imam n'est pas obligé de prendre l'opinion de la consultation ou la dissertation. Lorsque les gens ont donné un conseil aux dirigeants ou ont donné une consultation aux dirigeants, le dirigeant n'est pas obligé, on ne peut pas lui imposer d'être d'accord ou de suivre la position de la Shura. D'accord? Contrairement à ce que Qardaoui dit dans son texte justement à ce sujet-là. Parce que Qardaoui lui, dans sa défense de la démocratie, il dit « Avant de clore ce propos, je dois aborder l'opinion de certains savants, y compris de nos jours, selon qui la consultation à choix est un mécanisme consultatif non contraignant, et que le gouverneur doit consulter mais n'est pas tenu de suivre l'opinion de ses conseillers, ceux qu'on qualifie « Ahlul Hilli wal Aqd ». J'ai déjà répondu à cette thèse à une autre occasion, expliquant que la Shura n'a aucun sens si le gouverneur, après avoir consulté, ne fait que ce qui lui plaît à lui et à son sérail, sans aucune considération de l'avis du conseil de Shura. Comment les membres de ce conseil seraient-ils ceux qui tranchent dans les affaires, le hilli wal aqd, comme on les qualifie dans notre tradition, alors qu'en réalité, ils n'ont pas la faculté de trancher dans quelques affaires que ce soit. Bon, ça c'est donc son explication de Qardaoui, et c'est comme s'il essaie de dire qu'en fait, c'est le Shura, c'est eux qui peuvent imposer aux dirigeants ce que le dirigeant doit faire. Et donc, on se demande, moi comme lui, il dit comment on peut dire qu'ils sont Ahlul Hilli wal Aqd s'ils ne peuvent pas imposer, mais moi je lui dis comment il peut être un dirigeant si c'est lui qui se fait imposer des choses. Hein? À quoi ça sert d'être dirigeant si c'est les autres qui vont te dicter qu'est-ce que toi tu dois faire? Non, bien sûr. Et puis il n'y a pas juste ça. On a déjà mentionné dans la réfutation, durant les réfutations des Shubuhat, plein d'exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opposé la majorité des sahaba, et des exemples où Abu Bakr al-Siddiq a opposé la majorité des sahaba à son époque lorsqu'il était khalifa, et on a donné plein d'autres exemples de ça pour montrer la fausseté de cette idée-là. Et le cheikh dit que le cheikh Mohamed Aman Al-Jami, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle « La réalité de la Shura dans l'islam » et il a réfuté toutes ces idées-là dans ce livre-là. Et on peut rajouter à ça également que les gens qui composent la Shura, ou le conseil de consultation, c'est le dirigeant qui les choisit lui-même. Hein? Donc si c'est lui qui les choisit, comment tu vas dire que c'est obligatoire pour lui de les écouter par la suite? Hein? Et donc il mentionne à ce sujet-là les paroles de l'imam al-Shawkani. Et il dit que donc si c'est lui qui les choisit, donc ça ne revient pas au peuple. Tu ne peux pas dire que ça c'est la responsabilité du peuple en entier, puisque la Shura, c'est pas le peuple qui choisit la Shura, c'est le dirigeant qui choisit ceux qui font partie de la Shura. Et il dit que l'imam al-Shawkani dit dans Sayr al-Jarrar, le volume 4, à la page 507 et 508, l'imam il doit choisir parmi les ulama qui sont les plus en avant dans la science, parmi les mujtahidin et les vérificateurs de la science, ceux qu'il va consulter dans les différentes affaires, et qui va faire fonctionner les affaires selon ce qui a été mentionné dans la charia. Et il va ramener toutes les disputes vers les gens de cette catégorie-là pour qu'ils jugent lorsqu'il y a des désaccords ou des conflits. Ce qu'ils décident, il va l'appliquer, et ce qu'ils ordonnent, il va le faire. Après, il dit « Al-Warfatu al-Salisa ». Le troisième point, et c'est là qu'on commence dans le point qui a rapport avec la critique de sa parole lorsqu'il dit que lorsque le dirigeant dévie ou fait quelque chose qui déplaît, qui est injuste ou qui est corruption, et bien dans ce cas-là, ils doivent le destituer. Là, on va parler de ce point-là. J'ai réalisé « Al-Warfatu al-Salisa qawluka wa anta'zilahu » إذا فسد وأفسد أو انحرف وظلم إن كلامك هذا يوافق تماما عقيدة الخوارج بل سائر أهل البدع ذلك أن الخروج على الحاكم بسبب انحرافه أو فسقه أو ظلمه هو من عقيدة أهل البدع donc le cheikh dit ici que cette idée là que lorsque quelqu'un fait de la corruption, du désordre ou qu'il fait de l'injustice ou qu'il dévie, que tu dois l'enlever du pouvoir et le destituer à ce moment-là, ça c'est exactement en accord avec l'aqidah des Khawarij et l'aqidah du reste des gens de Bid'ah, parce que l'idée que tu dois sortir contre le dirigeant à cause d'une déviation ou à cause d'un péché ou à cause d'une injustice qu'il fait, ça c'est exactement l'aqidah des gens de Bid'ah. قال أيوب السختياني عن أبي قلابة قال من ابتدع ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. Donc Abu Ayyub al-Sakhtiani, un des imams parmi les imams des Salaf, il rapporte selon Abi Qilaba, il dit il n'y a pas un peuple qui fait une bid'a excepté qu'il rende halal l'épée. Excepté qu'il rende halal l'épée, c'est-à-dire l'épée contre le dirigeant. Ok? Et il mentionne cette parole de Sharh Usul Etiqad al-Sunnati wal-Jama'a de l'imam al-Lalaka'i et du livre al-Shari'a de l'imam al-Ajurri. Deuxième citation qu'il mentionne. قال سلام ابن أبي مطيع كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج. كان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج. Il n'y a pas un peuple qui fait une bid'a ou des gens qui font une bid'a, excepté qu'ils rendent halal l'épée. Et Salam ibn Abi Mutir, lui, il dit, Kan Ayyub, Ayyub, il appelait les gens de Ahwa, il les appelait tous des Khawarij. Kan Ayyub, yusammi ahl al-Ahwa, kulluhum Khawarij. Wa yaqul, inna al-Khawarij ikhtalafu fil-ism, wa ijtama'u ala al-sayf. Donc, Salam ibn Abi Mutir disait que Ayyub al-Sakhtiani, il appelait les gens de bid'a, les gens de passion, il les appelait tous des Khawarij. Pour lui, c'était tous des Khawarij, peu importe leur nom. Que ce soit Shia, Khawarij, Soufi, Ahbash, n'importe quel bid'a. C'est tous des Khawarij. Pourquoi? Parce que ils ont tous été divergents dans leur nom, hein? Murji'a, Khawarij, Qadariya, Shi'a, Rafida, hein? Tous ces noms-là, c'est tous des noms différents, mais ils sont tous d'accord sur l'épée. Et de prendre l'épée contre le dirigeant. Ça, c'est des choses que tu retrouves chez eux. Il dit, et donc aussi le fait qu'ils sont tous sortis contre la sunna, ils se sont rebellés contre la sunna. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, قال الآجري محذرا من مذهب الخوارج لم يختلف العلماء قديما ولا حديثا على أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم والخوارج هم الشراح الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين إلى آخر كلامه رحمه الله. فاستنفعت الإمام الآجري dans son livre Al-Sharia, qui est un des livres parmi les meilleurs livres de Aqidah au sujet de la Aqidah des Salaf Salih. Il dit dans son livre, en avertissement contre le madhab des Khawarij, il dit, les ulama n'ont jamais divergé, que ce soit dans le passé comme dans le présent, au sujet des Khawarij, que ce sont des gens désobéissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui désobéissent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils font la salat, même s'ils font le jeûne, et même s'ils font des efforts dans l'adoration, tout cela ne sera d'aucune utilité pour eux, même s'ils montrent qu'ils font l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, cela ne sera d'aucune utilité pour eux, parce qu'ils sont un peuple qui interprète ou déforme le Coran selon leur passion. Hein, et selon leur propre imagination et selon leur propre passion, hein, contre les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Et il nous a également, Allah nous a avertis contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux. Et les khulafa al-rachidin nous ont avertis contre eux. Et les sahaba en général, ils nous ont tous avertis contre eux, et ceux qui les ont suivis également parmi les ulama, ils nous ont tous avertis contre les khawarij, et ils nous ont dit que ce sont des gens qui sont impurs, qui sont mauvais, et que leur madhab, hein, ils se faisaient hériter de génération en génération, hein. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ parce qu'il y en a qui pensent que les Khawarij c'est uniquement des gens qui vivaient à l'époque des Sahaba, non, ils se lèguent ce madhab de génération en génération, ok, ils héritent de ce madhab et ils se le transmettent de génération en génération, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ils prennent les armes contre les dirigeants et ils rendent le sang des musulmans halal, et de tuer les musulmans halal pour eux. Vous voyez des gens comme ça, subhanallah, pour eux tuer c'est halal, et après ça ils critiquent les dirigeants parce qu'ils disent, ah, ils font du riba, ou ils font de l'injustice, et eux, pour eux, le meurtre c'est halal, le sang c'est halal, et eux ils se jugent pas eux-mêmes, comme ça vous l'avez, on est est-ce que tu es halal ou non, on est en train de rendre le meurtre halal. Et ça, c'est un grand péché, hein. Hein? Donc, ils se déclarent pas eux-mêmes koufar, ils devraient se tuer eux-mêmes si c'était, si c'était des gens qui étaient un peu, en accord avec leur logique. S'ils étaient logiques avec leur propre madhab, ils devraient commencer par se tuer eux-mêmes. Puisqu'ils commencent à déclarer les gens qui font des péchés koufar, et eux, ils sont les premiers à tuer. Comme si tuer c'était pas un péché, il y en a pour eux. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit ensuite, قلتو ومما يؤيد قوله ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Le cheikh il dit également qu'est-ce qui supporte la parole de l'imam al-Jurri ici quand il dit que leur madhab, celui qui est sur leur madhab, également le reste des khawarij, ils héritent cette voie. Et génération après génération, il y a le hadith rapporté par al-Bukhari muslim, selon les paroles de Ali, selon la narration de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, il y aura des gens qui vont sortir vers la fin de ma umma, des jeunes, faibles d'esprit. Ils disent les paroles des meilleures, parmi les meilleures paroles au monde. Hein? Comme par exemple, la hakima illallah, ou la hukma illa lillah. Il n'y a pas de jugement excepté Allah, excepté le jugement d'Allah. Il n'y a pas de dirigeant excepté Allah, ils disent ça. C'est des bonnes paroles, c'est des paroles vraies, que Allah c'est le juge et tout, mais eux ils l'appliquent en dehors de son contexte, comme le verset par exemple, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Eux, ils ne font pas de distinction entre qu'est-ce qui est kouf akbar et kouf asrar. Ils ne font pas de distinction entre qu'est-ce qui est kouf majeur et kouf mineur. Donc toute personne qui juge par autre que la loi d'Allah dans n'importe quoi, peu importe sa situation ou son état, il le déclare kafir kufran akbar mukhrijan min al-milla. Ils mettent tout le monde dans la même catégorie de kuf majin et ils les mettent tous en dehors de l'islam, sans exception. Et ça, c'est l'exemple des khawarij qui déclarent les musulmans qui font des péchés kuffar. Ok? Et donc, ils disent la meilleure parole au monde. Ils lisent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Et ils quittent la religion comme la flèche quitte son arc. Et si tu les rencontres, alors tuez-le, combattez-les et tuez-les. Parce qu'il y a une récompense pour eux au jour de la résurrection. Pour quiconque les a tués ou les a combattus au jour de la résurrection. Et en particulier, bien entendu ici, il faut noter que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de les combattre, bien entendu c'est de les combattre avec le dirigeant musulman. Et de ne pas y aller pour essayer de les tuer, puis dire « Ah, ça c'est des khawarij, je vais les tuer. » Hein? Comme certains pourraient s'imaginer parfois. Et le cheikh Zibal, « مما يوضح ذلك جليا ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في أعراضهم الدجال. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit, parmi les choses qui expliquent que c'est les khawarij ils vont sortir jusqu'à la fin des temps, il y a la mention de ça dans Ibn Majah, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens qui vont venir par la suite et qui vont lire le Coran. Hein? Il y a une catégorie de gens qui vont suivre, qui vont venir, qui vont lire le Coran, ça ne va pas dépasser leur gorge. Chaque fois qu'il y a une corne qui va sortir, elle va être coupée. Chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée. Et il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire une vingtaine de plus que 20 fois. Chaque fois qu'une corne sort, il va être coupé. Il a répété ça plus que 20 fois. Et il a dit jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. C'est-à-dire qu'ils vont sortir à la fin des temps, ils vont être dans l'Iran avec le Dajjal contre les musulmans. Ça, c'est un hadith qui est authentifié par Al-Albani, hein, dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, dans le volume 5, à la page 582. OK? Et c'est sous le titre Istimrar Khuruj al-Khawarij. Non. La question des Khawarij, est-ce que ce sont des musulmans ou non, il y a une divergence d'opinion entre les ulama à ce sujet-là. Certains des ulama ont dit que ce ne sont pas des musulmans, qu'ils sont des kuffars. D'autres ulama ont dit que ce sont des musulmans, et ils ne sont pas des kuffars. Ceux qui ont dit que ce sont des kuffars, ils ont dit que la raison pourquoi ils disent que ce sont des kuffars, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yamruquna min ad-din ». C'est-à-dire qu'ils sortent de la religion, donc ils se basent sur ça pour dire qu'ils sont sortis de la religion. Et il y en a d'autres qui ont dit qu'ils sont sortis de la religion du fait qu'ils ont rendu halal le sang des musulmans. Hein? Mais la majorité des ulamas d'Ahl-Sunnah, ils ne les déclarent pas comme étant des kuffars. Ils ne les déclarent pas comme étant des kuffars. Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك